peur de l'échec. À chaque fois la même prise de tête, le même combat, ne pas perdre, réussir, devenir, être célèbre, obtenir ce que l'on désire. L'échec c'est notre hantise, pour beaucoup ça nous obsède. C'est un vice que l'on doit perdre, au contraire on avance avec. C'est grâce à nos erreurs que l'on devient meilleur. Faut bien l'admettre, préfère ne pas en faire. Se fondre dans la masse, être plein aux as, quoi que l'on fasse, toujours avoir la classe. L'échec c'est la honte, pour certains ça les suit comme une ombre, désolé si je me trompe. Mais l'échec alimente notre mal-être qui dans ce monde se reflète, comme dans un miroir. Ce qui ne va pas à l'intérieur se voit à l'extérieur. Vous pouvez me croire, le vrai désespoir et ne pas croire en soi. Nombreux ne trouveront jamais cette joie, la réussite. Elle est en nous, il faut apprendre à se connaître, un point c'est tout. Cela suscite d'être lucide, faire le vide, rester présent dorénavant, accepter la défaite comme un présent. L'échec, je l'ai vécu trop souvent, j'ai eu dans le cul. Déçu, la chance m'a parfois mis au rebut. Des objectifs non atteints, des sacrifices pour rien. Alors on dévalorise assez vite, assez on cherche la fuite. Oublier son idéal qui s'est fait la malle. Ça envahit le mental et on en perd les pédales. L'échec c'est notre hantise, accepter n'est pas une bêtise. Quoi que l'on dise, les gens se l'interdisent, veulent voir haut devenir meilleur. C'est dans nos mœurs, comme vivre dans la douleur et dans la peur. De la défaite, certes, difficile de vivre avec notre ennemi l'échec. L'échec c'est notre hantise, accepter n'est pas une bêtise. Quoi que l'on dise, les gens se l'interdisent, veulent voir haut devenir meilleur. C'est dans nos mœurs, comme vivre dans la douleur et dans la peur. De la défaite, certes, difficile de vivre avec notre ennemi l'échec. L'échec c'est notre hantise, accepter n'est pas une bêtise. Quoi que l'on dise, les gens se l'interdisent, veulent voir haut devenir meilleur. C'est dans nos mœurs, comme vivre dans la douleur et dans la peur. De la défaite, certes, difficile de vivre avec notre ennemi l'échec. L'échec c'est notre hantise, accepter n'est pas une bêtise. Quoi que l'on dise, les gens se l'interdisent, veulent voir haut devenir meilleur. C'est dans nos mœurs, comme vivre dans la douleur et dans la peur. De la défaite, certes, difficile de vivre avec notre ennemi l'échec. L'échec c'est notre hantise, accepter n'est pas une bêtise. Quoi que l'on dise, les gens se l'interdisent, veulent voir haut devenir meilleur. C'est dans nos mœurs, comme vivre dans la douleur et dans la peur. De la défaite, certes, difficile de vivre avec notre ennemi l'échec. L'échec. On croit que le mieux pour être heureux est de faire plaisir aux vieux en respectant leurs vœux ou la volonté de Dieu. Dieu, c'est pas eux qui nous amèneront au septième cieux. L'idée superstitieux, accepter les choses telles qu'elles sont est une solution pour arrêter de vivre dans l'incompréhension. Il faut apprendre à en tirer le son. Tous les jours, la vie nous réserve des surprises, bonnes ou mauvaises. Quelquefois, on peut ressentir de l'injustice. À chacun son heure de gloire ou de désespoir. Connaître une vie en rose ou des jours moroses. Je sais que c'est pas si simple pour ma part. J'écris avec l'espoir d'être entendu. Peut-être voir un jour mes textes reconnus. Percer dans le rap, c'est pas encore fichu. Mais je reste humble et respecterai n'importe quelle défaite qui nous aide dans notre quête. Comme mes relations, l'amour pour moi n'a pas été ma première passion. Trop de désillusions, de courtes expériences qui m'ont sorti d'illusions. J'ai appris à prendre du recul et à sortir de ma bulle. C'est l'échec qui nous réveille. Faut prendre conscience qu'on est très loin du pays des merveilles. C'est avec l'échec qu'on comprend. C'est avec l'échec qu'on apprend. L'échec c'est notre hantise, accepter n'est pas une bêtise. Quoi que l'on dise, les gens se l'interdisent, veulent voir haut devenir meilleur. C'est dans nos mœurs, comme vivre dans la douleur et dans la peur. De la défaite, certes, difficile de vivre avec notre ennemi l'échec. L'échec c'est notre hantise, accepter n'est pas une bêtise. Quoi que l'on dise, les gens se l'interdisent, veulent voir haut devenir meilleur. C'est dans nos mœurs, comme vivre dans la douleur et dans la peur. De la défaite, certes, difficile de vivre avec notre ennemi l'échec. L'échec c'est notre hantise, accepter n'est pas une bêtise. Quoi que l'on dise, les gens se l'interdisent, veulent voir haut devenir meilleur. C'est dans nos mœurs, comme vivre dans la douleur et dans la peur. De la défaite, certes, difficile de vivre avec notre ennemi l'échec. L'échec c'est notre hantise, accepter n'est pas une bêtise. Quoi que l'on dise, les gens se l'interdisent, veulent voir haut devenir meilleur. C'est dans nos mœurs, comme vivre dans la douleur et dans la peur. De la défaite, certes, difficile de vivre avec notre ennemi l'échec. L'échec c'est notre hantise, accepter n'est pas une bêtise. Quoi que l'on dise, les gens se l'interdisent, veulent voir haut devenir meilleur. C'est dans nos mœurs, comme vivre dans la douleur et dans la peur. De la défaite, certes, difficile de vivre avec notre ennemi l'échec. L'échec.